Chapitre 12e. Dans la matinée du jeudi 23 juillet, Miss Tuckler se montra plus tôt que d'habitude sur la porte de son cottage et descendit dans le petit jardin qui joignait cette humble résidence. Après avoir fait seul, de long en large, quelques tours d'allée, il fut rejoint par un homme à cheveux gris, paisible d'aspect, mesquin de proportion, et dont l'extérieur était absolument dépourvu de tout caractère particulier. Sa physionomie sans expression, ses manières empreintes du calme qu'impose l'usage, n'offraient rien d'attrayant, rien non plus qui dût repousser. C'était Mr. Pendrell, c'était l'homme qui avait tenu, suspendu à ses lèvres, l'avenir des orphelines de Combraven. « Le moment approche, » dit-il, en regardant du côté du bosquet lorsqu'il rejoignit Miss Claire. « Mon rendez-vous avec Miss Garth est pour 11 heures. Je n'ai guère plus que 10 minutes. »« Devez-vous la voir seule ?» demanda Miss Claire. J'ai laissé Miss Garth en décider, après l'avoir averti, tout d'abord, de la gravité des circonstances que je me vois forcé de lui faire connaître. Et sa décision ? Elle m'écrit qu'elle a fait part de mon rendez-vous sur 2 orphelines, en leur répétant l'avis que mon billet renfermait. L'aînée semble répugnée, et qui s'en étonnerait, à toute discussion concernant l'avenir, qui exigerait sa présence dès le lendemain des funérailles. La cadette paraît n'avoir exprimé aucune opinion à ce sujet. Autant que je puis le comprendre, elle demeure passive et se laisse guider par l'exemple de sa sœur. Je n'aurai donc affaire qu'à Miss Garth toute seule, et j'éprouve un grand soulagement à penser qu'il en sera ainsi. » Il prononça ces derniers mots avec une emphase et une énergie qui ne semblaient pas lui être habituelles. Miss Tuckler suspendit sa marche et regarda son hôte attentivement. « Vous avez presque mon âge, monsieur. Votre longue pratique d'avocat ne vous a donc pas tout à fait endurci ?»« Je ne savais pas à quel point je l'étais peu, » répondit Mr. Pendrell tranquillement, « lorsque hier je suis revenu de Londres pour assister aux funérailles. On ne m'avait point averti que ces malheureuses jeunes filles avaient résolu d'accompagner leurs parents jusqu'au bord de la fosse. Leur présence a rendu doublement pénible, j'imagine, et aussi doublement touchante, la scène finale de ce terrible désastre. Vous avez vu vous-même combien la nombreuse assistance était émue, et pourtant ces gens-là ignoraient la vérité. Ils n'avaient pas idée de la nécessité cruelle qui, ce matin, va me conduire dans la maison attristée par toutes ces morts. Le sentiment de cette nécessité, et aussi la vue de ces pauvres enfants, au moment même où cet austère devoir m'apparaissait plus pénible que jamais, m'ont ébranlé comme l'est rarement un homme de mon âge et de ma profession, par n'importe quel malheur présent, n'importe quelle anxiété pour l'avenir. Je ne suis pas encore remis de ce choc, et c'est tout au plus si je me sens maître de moi-même à l'heure qu'il est. Un homme comme vous retrouve toujours son sang-froid, lorsque ce sang-froid est indispensable, dit Mr. Clare. Vous avez dû remplir des missions aussi difficiles, aussi pénibles que celles de ce matin. Mr. Pendrell secoua la tête. Beaucoup de devoirs aussi sérieux. J'ai connu aussi maints événements plus romanesques. Mais je n'ai eu à déplorer aucun concours de circonstances aussi désespérant que l'est celui-ci. Sur ces mots, ils se quittèrent. Mr. Pendrell prit le sentier qui, à travers la plantation, menait vers Combraven. Mr. Clare entra dans son cottage. Arrivé dans le corridor, il passa la tête à la porte ouverte de son petit salon et vit Frank assis là dans une oisive tristesse, la tête appuyée sur ses mains. « J'ai la réponse de vos patrons, » dit Mr. Clare. « En considération de ce qui vient d'arriver, ils consentent à vous donner un mois de plus pour accepter l'offre qu'ils vous avaient faite. » Frank changea de couleur et par un mouvement nerveux se souleva de sa chaise. « Mes espérances sont-elles donc détruites ? » demanda-t-il. « Les plans que Mr. Vanstone avait tracés pour moi ne sont-ils plus réalisables ?»« Il a dit à Madeleine que son testament la mettait à l'abri de toute incertitude. Elle m'a répété ses propres paroles. « Je devais savoir, disait-elle, tout ce que la bonté et la générosité de son père avaient fait pour nous deux. Quel changement a pu amener cette mort soudaine ? Est-il donc survenu quelque chose ?»« Attendez que Mr. Pendrell revienne de Combraven, » lui dit son père. « Adressez-lui vos questions, et pas à moi. » Les yeux de Frank se remplirent de larmes. « Vous ne vous montrerez pas trop dur pour moi, » objecta-t-il d'une voix faible. « Vous ne voulez sans doute pas me renvoyer à Londres sans que, d'abord, j'aie vu Magdalene. » Mr. Clare jeta sur son fils un regard pensif, et après un moment de réflexion, « Vous pouvez sécher vos yeux, » lui dit-il. « Vous verrez Magdalene avant de repartir. » Après cette réponse, il quitta l'appartement et se retira dans son cabinet. Main et main volume étaient, comme toujours, à portée de sa main. Il ouvrit l'un d'eux et se mit à lire selon son usage. Mais son attention ne pouvait se fixer, et ses yeux se portaient de temps à autre sur le fauteuil vide en face de lui. Ce même fauteuil où son défunt ami était venu bavarder et discuter gaiement avec lui pendant tant et tant d'années. Après un vain effort sur lui-même, il ferma le livre. « Au diable, ce fauteuil !» dit-il. « Il me parle obstinément de lui, et je ne puis m'empêcher de l'écouter. » Il atteignit sa pipe, accrochée au mur, et machinalement la garnit de tabac. Sa main tremblait. Ses yeux revenaient malgré eux du côté du vieux fauteuil. Il poussa, sans le vouloir, un profond soupir. Ce fauteuil vide était le seul argument de ce bas monde auquel il ne connut pas de réponse. Son cœur s'avoua vaincu, et malgré qu'il en eût, ses yeux se mouillèrent. « Il a fini par me battre, » murmura le rigide vieillard. « Il y avait encore un défaut à ma cuirasse, et il a fini par le trouver. » Mr. Pendrill, cependant, pénétrait dans le bosquet et suivait le sentier conduisant au jardin solitaire, au château peuplé de tristesse. Un domestique l'attendait à la porte, évidemment prévenu de son arrivée. « J'ai rendez-vous avec Miss Garth. Est-elle prête à me recevoir ?»« Toute prête. »« Elle est seule ?»« Oui, monsieur. » »« Dans la pièce qui était le cabinet de Mr. Vanstone ?»« Oui, monsieur, dans cette pièce même. » Le domestique ouvrit la porte et Mr. Pendrill entra. L'institutrice était seule, debout à la fenêtre du cabinet. La chaleur était accablante, et au moment où Mr. Pendrill entrait, elle venait de soulever la partie inférieure de la jalousie pour laisser entrer un peu d'air. Ils se saluèrent avec une politesse légèrement gourmée, qui, de part et d'autre, trahissait une certaine contrainte. Mr. Pendrill était un de ces hommes assez nombreux qui, en proie à quelque forte agitation mentale, dont ils compriment les manifestations extérieurs, se montrent sous leurs plus mauvais jours. Miss Garth, de son côté, n'avait point oublié la disgracieuse réserve avec laquelle l'avocat avait répondu à sa lettre, et l'anxiété bien naturelle que leur entrevue lui causait n'était atténuée en rien par un tel souvenir. Lorsqu'ils se trouvèrent ainsi face à face dans le silence de cette matinée d'été, tous deux strictement vêtus de noir, Miss Garth avec ses traits accentués que le chagrin semblait durcir encore, l'avocat avec sa froide physionomie, sa pâleur sans expression, son embarras qu'on devait supposer simplement celui d'un homme d'affaires, il eût été difficile de rencontrer deux personnes dont l'extérieur fût moins susceptible de provoquer un sentiment sympathique. Tels se montraient ces deux individus réunis maintenant, l'un pour révéler, l'autre pour entendre les secrets du mort. « Je suis sincèrement désolé, Miss Garth, de vous importuner dans un moment comme celui-ci, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, les circonstances ne me laissent pas d'autre alternative. Voulez-vous vous asseoir, Monsieur Pendrill ? C'est dans cette pièce, je crois, que vous avez désiré me voir. Précisément dans cette pièce, parce que c'est ici que se trouvent les papiers de Mr. Vanstone et qu'il peut m'être nécessaire d'en consulter quelques-uns. » Après cet échange régulier de questions et de réponses, ils s'assirent des deux côtés d'une table placée près de la fenêtre. L'un attendait pour parler, l'autre attendait prêtant l'oreille. Il y eut quelques moments de silence. Mr. Pendrill le rompit par une ou deux questions de convenance et une ou deux phrases de sympathie concernant les jeunes personnes. Miss Garth lui répondit, observant le même cérémonial et sur le même ton de politesse convenu. Seconde pause muette. Le bourdonnement des insectes autour des arbustes verts qui garnissaient le dessous de la fenêtre arrivait, monotone, dans l'appartement. Et le piétinement lourd d'un cheval de charrette qui passait sur la grande route à l'extrémité du jardin se faisait entendre aussi nettement dans ce silence profond que si la nuit fût venue. L'avocat raffermit sa résolution vacillante et quand il reprit la parole, ce fut pour aborder la question qui l'amenait. « Vous avez quelques motifs, Miss Garth, commença-t-il, de ne pas trouver ma conduite vis-à-vis de vous parfaitement satisfaisante, du moins à certains égards. Pendant la fatale maladie de Mrs. Vanstone, vous m'avez adressé un billet où se trouvaient certaines questions, auxquelles, tandis qu'elle vivait encore, il m'était impossible de répondre. sa déplorable fin me dégage de la réserve que je m'imposais et m'autorise, ou plutôt m'oblige, à m'expliquer. Vous allez savoir quelles graves raisons étaient les miennes lorsque j'attendais ainsi jour et nuit dans l'espoir d'obtenir cette entrevue qui n'a pu malheureusement avoir lieu. Et comme justice due à la mémoire de Mr. Vanstone, vous allez vous assurer par vos propres yeux qu'il avait fait un testament. Il se leva, ouvrit un petit coffre-fort de fer placé à l'angle du cabinet, et revint vers la table avec quelques feuilles de papier pliées qu'il développa sous les yeux de Miss Garth. Quand elle eut jeté les yeux sur la formule de début, « Au nom de Dieu, ainsi soit-il », l'avocat tourna le feuillet et lui montra le bas de la page suivante. Elle y vit la signature bien connue d'elle, André Vanstone. Elle y vit les attestations des deux témoins exigées par la coutume et la date du document qui remontait à plus de 5 années. Après l'avoir ainsi convaincu de l'existence et de la régularité du testament, Mr. Pendrill, allant au-devant des questions qu'elle pourrait lui adresser, « Je ne dois pas vous tromper, » lui dit-il. « J'ai mes raisons particulières pour produire ainsi ce document. »« Quelles raisons, monsieur ? » ?»« Vous allez le savoir. » »« La vérité vous étant une fois connue, ces feuillets vous aideront à garder, pour la mémoire de Mr. Vanstone, le respect qui lui est dû. » Miss Garth se rejeta en arrière dans son fauteuil. « Qu'entendez-vous par là ? » demanda-t-elle d'un ton brusque et sévère. Il ne prit pas garde à la question, mais continua comme si elle ne l'avait pas interrompue. « J'ai pour vous montrer le testament, » continua-t-il, « un second motif. Si je puis obtenir de vous que vous veuilliez en parcourir sous mes yeux certaines clauses, vous découvrirez vous-même les circonstances que j'ai à vous révéler. Circonstances si pénibles que je sais à peine comment m'y prendre pour vous les faire connaître de vive voix. » Miss Garth le regardait obstinément au visage. « Ces circonstances, monsieur, concernent-elles les parents défunts ou les enfants qui vivent encore ?»« Elles concernent à la fois les morts et les vivants, » répondit l'avocat. « J'ai le regret d'ajouter qu'elles intéressent l'avenir des malheureuses filles de Mr. Vanstone. »« Un moment, » dit Miss Garth. « Un moment, je vous prie. » Elle écarta de ses tempes sa chevelure nuancée d'argent et fit effort pour résister à un sentiment d'angoisse et de défaillance qui aurait dominé une femme plus jeune et moins courageuse. Ses yeux que l'éveil avait ternis, que le chagrin avait usés, sondèrent l'impénétrable physionomie de l'avocat. « Ces malheureuses filles, » se redisait-elle vaguement, « ils s'expriment comme s'il y avait encore en réserve une pire calamité que celle qui les a rendues orphelines. » Un instant de plus lui permit de faire appel à son courage défaillant. « Je tâcherai, monsieur, » reprit-elle, « de ne pas vous rendre plus pénible encore un devoir que j'entrevois bien rigoureux. Montrez-moi du testament ce que j'en dois lire et que je sache enfin à quoi m'en tenir. » Mr. Pendrill revint à la première page et, posant le doigt sur certaines lignes de ce griffonnage, « Commencez ici, » lui dit-il. Elle essaya. Elle voulut suivre son doigt comme elle avait déjà fait pour les signatures et les dates, mais le trouble de son esprit commençait à gagner ses sens. Les mots se mêlaient, les lignes flottaient devant ses yeux. « Je ne puis vous suivre, » dit-elle. « Il faut me dire où me lire tout cela. » Elle recula son fauteuil loin de la table, essayant de se recueillir. « Arrêtez !» s'écria-t-elle, tandis que l'avocat, avec une hésitation visible, prenait en main les papiers. « Une question, tout d'abord. Ce testament assure-t-il l'avenir des enfants ?» Ce testament y pourvoyait quand Mr. Vanstone l'a rédigé. Quand il l'a rédigé ? Un reflet de sa brusquerie naturelle se retrouva dans la manière dont elle répétait la réponse de l'avocat. Mais à présent, monsieur, à présent, y pourvoit-il ? Il n'y pourvoit plus. Elle arracha le testament des mains de Mr. Pendrill et le jeta dans un coin de la pièce. Vos intentions sont bonnes, dit-elle. Vous voulez me ménager. Mais vous perdez votre temps et vous abusez de mes forces. Si le testament ne sert à rien, qu'il reste là où il est. Dites-moi la vérité, monsieur Pendrill, dites-la-moi clairement. Dites-la-moi sur le champ, dites-la-moi vous-même. » Il comprit que résister à cet appel serait une cruauté inutile. La compassion exigeait qu'il répondît aussitôt à ces questions précipitées. « Je dois, Miss Garth, vous ramener au printemps de cette année. Vous rappelez-vous le 4 mars ?» L'attention de l'institutrice était déjà déplacée. Au moment où il parla, une pensée soudaine semblait s'être emparée d'elle. Au lieu de répondre à la question qu'il lui adressait, ce fut elle qui le questionna. « Laissez-moi, dit-elle, pénétrer de moi-même dans cette obscurité. Laissez-moi deviner si je puis. Ce testament inutile, les termes que vous employez en parlant de ses filles, vos doutes apparents sur le respect que je dois garder à sa mémoire, viennent d'ouvrir devant moi une perspective nouvelle. Mr. Vanstone est mort ruiné. N'est-ce pas là ce que vous aviez à m'apprendre ? Loin de là. Mr. Vanstone est mort laissant une fortune de plus de 80 000 livres sterling, placée de la manière la plus sûre. Il dépensait son revenu, mais jamais n'allait au-delà. Et le total de ses dettes ne montait pas à 200 livres. S'il était mort ruiné, j'aurais probablement compati à la destinée de ses enfants. Mais vous ne m'auriez pas vu hésiter à vous dire la vérité, cette vérité devant laquelle je recule. Laissez-moi vous répéter une question à laquelle vous n'avez pas pris garde. Quand je vous l'ai posée tout d'abord, revenez par la pensée au printemps dernier. Vous rappelez-vous le 4 mars ? Miss Garth secoua la tête. « Je n'ai jamais eu la mémoire des dates, » dit-elle. « Je ne l'avais pas dans les meilleurs temps de ma vie, et je suis à présent trop agitée pour y faire un si subit appel. Ne sauriez-vous me poser votre question sous une autre forme ?» Il la posa effectivement ainsi. « Vous rappelez-vous un incident domestique, survenu dans le cours du printemps dernier, et par lequel Mr. Vanstone parut affecté plus sérieusement qu'il ne semblait pouvoir l'être ?» Miss Garth, s'adossant à son fauteuil, jeta sur Mr. Pendril par-dessus la table un regard avide. « Le voyage à Londres !» s'écria-t-elle. « Je me suis toujours méfié, dès le principe, de ce voyage à Londres. Oui, je me rappelle que Mr. Vanstone reçut une lettre. Je me rappelle qu'il l'a lue et qu'après cette lecture, le changement de son visage nous étonna toutes. Avez-vous remarqué alors, au sujet de cette lettre, quelques signes d'intelligence entre Mr. et Mrs. Vanstone ? Effectivement. Une des enfants, c'était Magdalene, mentionna le timbre postal d'une ville d'Amérique. Tout cela me revient, Monsieur Pendril. Mrs. Vanstone, dès que le nom de cette ville eut frappé son oreille, parut agitée, inquiète. Ils partirent ensemble pour Londres dès le lendemain, sans rien expliquer à leur fille, sans rien m'expliquer. Mrs. Vanstone donnait pour motif à ce voyage le règlement de quelques affaires de famille. Je soupçonnais pour mon compte quelques désastres, sans pouvoir deviner lequel. Mrs. Vanstone m'écrivit de Londres qu'elle avait voulu consulter un médecin sur l'état de sa santé, mais sans inquiéter ses filles en leur parlant de cette démarche. Quelques passages de cette lettre m'offusquèrent dès lors. Il me sembla qu'elle me dissimulait certains autres motifs plus ou moins suspects. Lui faisais-je tort en m'imaginant cela ? Vous ne lui faisiez aucun tort. Il existait un motif qu'elle gardait par-devers elle. En vous le faisant connaître, je vous révélerai le pénible secret qui m'amène aujourd'hui dans cette maison. Tout ce que je pouvais faire pour vous préparer à cette funeste découverte, je l'ai fait. Souffrez maintenant que je vous expose la vérité dans les termes les plus simples et les plus brefs. Lorsqu'au mois de mars dernier, Mr. et Mrs. Vanstone quittèrent Combraven. Avant qu'il pût achever sa phrase, un brusque mouvement de Miss Garth vint lui couper la parole. Elle avait frémi et tournait maintenant la tête du côté de la fenêtre. « Ce n'est que le bruit du vent sur le feuillage, » dit-elle d'une voix faible. « Mes nerfs sont si ébranlés que la moindre chose me fait tressaillir. Pour l'amour de Dieu, expliquez-vous. » Lorsque Mr. et Mrs. Vanstone quittèrent la maison, dites-moi simplement ce qu'ils allaient faire à Londres. Mr. Pendril lui dit en termes fort simples, ils allaient à Londres pour se marier. Sur cette réponse, il plaça devant l'institutrice un papier oblong. C'était le certificat de mariage des parents défunts, ayant pour date le 20 mars 1846. Miss Garth ne fit point un geste, n'articula pas une parole. Le certificat, elle n'y prenait pas garde. Elle demeurait assise, les yeux fixés sur le visage de l'avocat, l'intelligence inerte sous le coup, les sens dépourvus de toute action. Il vit qu'il avait en vain tâché d'amortir par ses précautions le fatal effet de cette découverte. Il sentait l'impérieuse nécessité de la ranimer à tout prix, et d'une voix ferme, distincte, il répéta ses sinistres paroles. Ils allaient à Londres pour se marier. Revenez à vous. Et tout d'abord, veuillez vous pénétrer de ce simple fait. Les explications viendront plus tard. Oui, Miss Garth, c'est la déplorable vérité que je vous dis là. Au printemps dernier, ils partirent de chez eux. Ils vécurent à Londres une quinzaine dans la retraite la plus absolue. Ils furent mariés sur licence au bout de ce temps. Voici une copie du certificat que j'ai moi-même obtenu lundi dernier. Lisez la date du mariage, c'est le vendredi 20 mars, présente année. Comme il montrait du doigt le certificat, cette faible bouffée de vent qui tout à l'heure avait effrayé Miss Garth en se jouant parmi les arbustes placés sous la croisée, agita de nouveau le feuillage. Mr. Pendril, cette fois, l'entendit. Il tourna son visage de ce côté comme pour s'exposer à la brise. Mais la brise ne vint pas. Aucun souffle d'air assez vif pour qu'il le sentît ne pénétra dans l'appartement. Miss Garth se souleva par un mouvement machinal et lut le certificat. Il sembla ne produire sur elle aucune impression bien nette. Elle le posa sur la table avec un geste de douloureuse surprise. « 12 ans ? » disait-elle à voix basse et découragée. « Voilà 12 années de calme et de bonheur que je passe auprès de cette famille. Mrs. Vanstone était mon amie, une chère, une précieuse amie, une sœur, pourrais-je dire. Tout ceci me semble incroyable. Comprenez-moi, monsieur, excusez-moi, je ne puis me faire à cette idée. Vous vous y ferez quand vous en saurez davantage, dit Mr. Pendril. Vous me comprendrez mieux quand je vous aurai initié au passé de Mr. Vanstone. Mais ce n'est pas immédiatement que je réclamerai votre attention. Attendons que vous soyez remise. Ils attendirent, en effet, 5 ou 6 minutes. L'avocat prit quelques lettres dans sa poche, les parcourut avec attention et les y remit. « Maintenant, demanda-t-il avec égard, êtes-vous en état de m'écouter ?» Pour toute réponse, elle inclina la tête. Mr. Pendril réfléchit à part lui un moment encore. « Je vous dois, dit-il, un avis préliminaire. Si le caractère de Mr. Vanstone, tel que je vais vous le montrer, vous paraît à certains égards différent de ce que vous l'avez connu, songez que lorsque vous l'avez vu pour la première fois il y a 12 ans, il touchait à la quarantaine, et que, lorsque nous sommes entrés en rapport, lui et moi, c'était un jeune homme de 19 ans. » Les paroles qu'ajouta l'avocat soulevèrent le voile et révélèrent l'irrévocable passé.